الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu sincère et véridique, Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad an-nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, أيها الإخوة والأخوات après ceci mes frères, mes sœurs en islam أيها الإخوة والأخوات في الإسلام أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on demande et on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. بدأ الناس يسافرون لأداء مناسك الحج. Les gens, les musulmans, ont commencé leur voyage pour accomplir les rites du pèlerinage. هذا الركن العظيم, ce pilier énorme. ولهذا سأتكلم اليوم عن هذا الصفر. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais parler de ce voyage. كنت أتمنى أن أتكلم عنه قبل اليوم حتى يستفيد كل المسافرون. J'aurais voulu aborder ce sujet avant aujourd'hui afin de faire profiter à tous les voyageurs du contenu du cours d'aujourd'hui. ولكني لم أستطع لأولويات أخرى. Je l'ai pas pu à cause d'autres priorités. والحمد لله فيه ناس لم يسافروا بعد. Que Dieu soit loué. Encore des gens qui n'ont pas fait leur voyage vers le pèlerinage. Mon but de ce cours d'aujourd'hui, c'est de dire aux voyageurs qui ont l'intention d'accomplir le pèlerinage, innaka satuqaddimu al-waqta wa tuqaddimu al-mal. Sûr, tu vas donner du temps et tu vas donner de l'argent. Tu vas dépenser de l'argent. Mais en contrepartie, est-ce que ton pèlerinage, malgré le temps, malgré l'argent, malgré la fatigue, est-ce que ce pèlerinage sera agréé ou pas ? Sache que l'agrément du pèlerinage dépend de toi. هناك شروط قبل الحج وشروط أثناء الحج. Il y a des conditions d'agrément qui précèdent le pèlerinage et des conditions qui accompagnent le pèlerinage. قبل الحج, avant le pèlerinage, المال الحلال, l'argent licite, halal, ورد المظالم إلى أهلها, et rendre les droits aux ayants droit pour toute injustice commise dans le passé, wa talab al-musamaha min an-nas, demander le pardon, demander aux gens de te pardonner, wa at-tawba min jami' ad-dunub, et le repentir sincère de tous les péchés. Wa shurut athna al-hajj, les conditions pendant le pèlerinage qui accompagnent ton séjour là-bas, wa hiya allati tahumuni al-yawm, et ce sont ces conditions, les deuxièmes conditions qui accompagnent le pèlerinage qui m'intéressent aujourd'hui. Parce que la majorité des gens prennent avec eux de l'argent licite. Shartun ma'ruf inda kulli nas, une condition connue par tout le monde. Wa sahla, et une condition facile. Ash-shart al-thani ذكره الله في آية كريمة. La deuxième condition a été citée par Dieu subhanahu wa ta'ala dans un verset noble. الحج أشهر معلومات. Le pèlerinage se fait en des mois bien connus. شوال, ذو القعدة وذو الحجة. Les mois connus sont Shawwal, qui suit le mois de Ramadan, le mois de Dhul Qa'dah, dans lequel on est actuellement, et Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage qui va arriver d'ici quelques jours. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثْ فَلَا رَفَثَ الرَّفَثْ هُوَ الْجِمَاعِ العلاقات الجنسية مع الزوجة. ولا فسوق معاصي والذنوب ولا جدال يعني لا مخاصمة مع الناس. مخاصمة كلامية تؤدي إلى مخاصمة جسدية أو حربية. ولا فسوق معاصي والذنوب ولا جدال في الحج. Celui qui s'y est astreint à accomplir le pèlerinage, point de rapport sexuel, point d'immoralité, de commettre des péchés, etc., et point de dispute dans le pèlerinage, dispute verbale qui se transforme en dispute physique. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit à ce propos, من حج لله, celui qui accomplit le pèlerinage pour Dieu, فلم يرفث, et il n'a pas commis de rapport sexuel, ولم يفسق, et il n'a pas commis d'immoralité, de péché ou de désobéissance, ولا فسوق, رجع كيوم ولدته أمه, il reviendra comme le jour de sa naissance. متفق عليه, unanimement authentique. فمن حج من غير رفث وَلَا فُسُوق, celui qui fait le pèlerinage sans relation intime, sans immoralité, رَجَعَكَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ جَدِيدٍ, il reviendra comme si c'était pour lui une nouvelle naissance. مَعْنَا طَاهِرٍ مِنْ كُلِّ الذُّنُوبٍ, ça veut dire lavé de tout péché, propre de tout péché. السؤال, la question, أخي أختي, frère ou sœur, إِذَا ذَهَبْتَ إِلَى الْحَجِّ, si tu pars au pèlerinage, هل تستطيع أن تترك الرفث والفسوق والجدال, es-tu capable de te passer des relations intimes pendant le séjour du pèlerinage, de l'immoralité, t'abstenir de toute action immorale, de toute désobéissance à Dieu et de toute polémique ou dispute. بطريقة أخرى, autrement dit, هل تستطيع في الحج معاكسة نفسك وشيطانك لتترك الرفث والفسوق والجدال. Autrement dit, es-tu capable, mon frère ou ma sœur, dans le pèlerinage, de contrarier ta propre personne et contrarier ton démon afin de renoncer aux relations intimes, à l'immoralité et à la polémique ou bien à la dispute. لأن هذه الثلاثة أصلها من النفس ومن الشيطان, parce que ces trois interdits viennent d'origine normalement de ou ont comme source l'âme et le démon. بطريقة أخرى, autrement dit, هل تستطيع أو هل في الحج تستطيع l'intisar على نفسك وشيطانك. Autrement dit, pendant le pèlerinage, es-tu capable de l'emporter contre toi-même et contre ton démon. بمعنى أن الحج الحقيقي لا يتجلى في أعمال الطواف والرجم إلى آخره. Ceci signifie que le vrai pèlerinage, le pèlerinage véridique, ne se manifeste pas à travers les rites, par exemple la rotation autour de la Kaaba ou la lapidation du démon, etc. فكل الناس يقومون بهذه المناسك, parce que tous les pèlerins accomplissent ces rites. ولكن الحج الحقيقي أو المبرور هو الانتصار طيلة الحج على النفس والشيطان. Mais le vrai pèlerinage, le pèlerinage agréé, est celui dans lequel on arrive à vaincre soi-même pendant toute la période du pèlerinage, à vaincre soi-même et vaincre son ego et vaincre son démon. بمعنى لما نقول فلان حج بمعنى انتصر على نفسه وشيطانه. lorsqu'on dit telle personne a accompli le pèlerinage, ceci signifie telle personne a vaincu son ego et son démon. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. Le prophète prière et lui dit le pèlerinage agréé n'a aucune récompense, n'a aucun salaire à part le paradis. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al mabrour, le mot mabrour, قال العلماء هو المتقبل. Les savants ont dit ça veut dire agréé, لأنه خال من المعاصي, parce que le pèlerinage était, ne contenait aucun péché ou désobéissance. وكأن الله يقول لك, et comme si Dieu te disait, ya abdi, ô mon adorateur, قمت بذنوب ومعاصي في حياتك, certes tu as commis des péchés, des désobéissances pendant ta vie. لأن النفس والشيطان انتصر عليك في الماضي. Parce que l'âme et Satan t'ont vaincu dans le passé. Et comme tu étais vaincu, tu as commis le péché. Tu as suivi ton âme, tu as suivi Satan. وجئتني اليوم لأغفر ذنوبك. Et tu es venu à moi aujourd'hui afin que je te pardonne tes péchés. Ya Abdi, ô mon adorateur. في هذه المدة القصيرة مدة الحج, dans cette courte durée du pèlerinage, انتصر على النفس وانتصر على الشيطان ولك الجنة. Maintenant, dans cette courte durée, prends le dessus par rapport à toi-même. Essaie de vaincre ta propre personne instigatrice du mal et essaie de vaincre le Satan. Prends ta vengeance et tu auras le paradis. أخي, أختي, frère, sœur, فهمت الآن ربما معنى الحج. Maintenant, peut-être tu as compris le sens du pèlerinage. ولكن السؤال الآن, mais la question qui se pose maintenant, هل الانتصار على النفس والشيطان في أيام الحج القليلة شيء سهل؟ Est-ce que le fait de vaincre sa propre personne, de vaincre son ego et de vaincre Satan pendant la courte durée du pèlerinage, est-ce une chose facile ? تعالوا الآن نرى ما يصير في هذه الأيام القلائل, أيام الحج. Venons-en maintenant pour voir ce qui se passe dans cette courte durée, dans ces quelques jours, dans cette poignée de jours de pèlerinage. هناك عدة ابتلاءات. Il y a plusieurs épreuves. هناك أرادها الله, voulu par Dieu, ليمتحنك, afin de te tester. هناك عدة ظروف حياتية صعبة لا تتحملها النفس. Il y a plusieurs conditions de vie insupportables pour l'âme humaine. هناك عدد كبير من الناس, أكثر من مليوني مسلم. Il y a une grande foule, beaucoup de gens, plus que 2 millions de musulmans. في بقعة صغيرة, dans une petite surface. كل هذه الأشياء تجعل الإنسان يعيش على أعصابه. Toutes ces conditions font de telle sorte que l'individu vit sur ses nerfs 24/24. À chaque minute, il est sur ses nerfs. سريع الانفجار. Chacun est extrêmement explosif. مليوني قنبلة متحركة. 2 millions de bombes mobiles. يمس بعضها بعضا. Les unes se frottent contre les autres. والآن أعطيكم بعض الأمثلة. Et maintenant je vous donne quelques exemples. الأول, le premier, les exemples ne sont pas exhaustifs. Le premier, تنزع ثيابك العادية, tu te déshabilles de tes vêtements ordinaires, وتلبس ثياب الإحرام, et tu portes les vêtements de sacralisation. وهذا فيه نوع من الحرج. Et il y a en ceci une sorte de gêne, idha jaza at-ta'bir, dans le cas où l'expression est valable. Li'annaka ghayr mu'tad 'alayha, parce que tu n'es pas habitué à vivre avec ces vêtements de sacralisation. Talbas hadhihi at-thiyab fi at-ta'irah, tu portes ces vêtements en avion. Qurb al-wusul li matar Jeddah, à proximité ou à l'arrivée, ou lorsqu'on est proche d'arriver à l'aéroport de Jeddah. Tu arrives là-bas épuisé. 6 heures de vol approximativement. Après cette fatigue, dans l'aéroport, accompagné de tes nombreux bagages, تبقى عدة ساعات واقفا في صف طويل كأنه لا يتحرك. Tu restes debout dans une longue file d'attente qui presque donne l'impression de ne pas bouger. لأن البشر كثير, parce qu'il y a beaucoup de gens. مئات الطائرات تصل في نفس الوقت. Des centaines d'avions qui arrivent en même temps. والانتظار جد صعب, خصوصا عند التعب. Et l'attente est insupportable, et surtout lorsqu'on est épuisé. L'âme ne supporte pas. Et l'âme essaie de sortir de la poitrine par excès de nerfs et de colère. Imagine-toi dans ces conditions, thiyab ihram, des vêtements de sacralisation, mata' ma'ak, accompagné par des valises et par des bagages, ta'ab, épuisement, fatigue, saf tawil, li'iddat sa'at, une longue file interminable, infinie pendant plusieurs heures, wa rajul yadfa'uk, un homme qui te pousse, aw yamshi fawqa rijlak, ou un homme par inattention, il marche sur ton pied. Wa anta ghadban, et tu es en colère. Wa huwa kadhalik, et lui aussi il est en colère parce qu'il vit la même situation. Kayfa takunu raddatu fi'lik? Comment tu vas réagir? هل ستتذكر لا فسوق ولا جدال في الحج؟ Est-ce que tu vas te rappeler du verset coranique, nulle dispute et nulle immoralité dans le pèlerinage? وإن تذكرت فهل تستطيع ضبط نفسك؟ Et même dans le cas où tu te rappelles de ce verset, est-ce que tu vas te maîtriser? وإن استطعت ضبط نفسك, et dans le cas où tu te maîtrises, هل تستطيع أن لا تسمع للشيطان؟ Es-tu incapable de ne pas écouter Satan, الذي سيضع النار على البنزين, Satan qui va mettre le feu sur l'huile ou sur l'essence, ويقول لك لا تصبر, et va te dire ne supporte pas, pas de patience, دافع عن نفسك, défends-toi. هذا الرجل قليل الأدب, cet homme est impoli, مشى على رجليك, il a marché exprès sur ton pied, ألا يرى, est-il aveugle? هل تستطيع ضبط نفسك؟ Es-tu capable de te maîtriser? أم ستصرخ وستسب؟ Ou vas-tu insulter, vas-tu crier? ثانيا, un deuxième exemple, في المسجد الحرام, dans la mosquée sacrée, dans la Mecque, بمكة, أثناء الطواف, pendant la rotation, سحام شديد, une grande affluence, beaucoup de bousculades, إلى درجة أنك في بعض المرات ترفع, jusqu'au point qu'à à certains moments, tu es levé, tu es élevé du sol, parce qu'il y a beaucoup de pression qui vient de tous les côtés. Tu deviens non libre dans le choix de tes mouvements. J'ai vu avec ces deux yeux, juste à côté de la Kaaba, sittat amtar taqriban, à 6 mètres de la Kaaba, rajulan yadribu mra'a dafa'athu, un homme qui a donné un coup de main, un coup de boxe à une femme qui l'a poussé, fa asqata mra'atayni, et il a fait tomber deux femmes. Fi ba'd al marrat wa akthar al marrat ta'ti lil masjid fa la tajidu la tajidu makanan la tadkhul. À plusieurs reprises, lorsque tu arrives à la mosquée sacrée, tu ne trouves pas de place. Tu ne peux même pas passer par les portes, malgré les nombreuses portes. Tu fais ta prière à l'extérieur de la mosquée. Si tu veux faire la prière au sein de la mosquée, tu dois venir quelques heures avant la prière. El Masjid Mali, la mosquée est pleine. 24 sur 24, la mosquée est pleine. Il y a 2 millions de musulmans. Fait tariq, il y a quelqu'un qui est sur ton visage. Lors de ton chemin, lorsque tu viens de chez toi vers la mosquée, il y a plein de gens qui éternuent sur ton visage. Tu reçois leurs déchets sur le visage. Et tu es en colère. Comment vas-tu réagir ? Araitum libtilaat, avez-vous vu les épreuves ? Hunak man yatanakham amamak. Il y a celui qui crache devant toi, juste devant ton pied. Ne fais pas attention. Al-jaw mulawwat bighazat as-sayarat wash-shahinat. L'atmosphère est polluée par les nombreuses voitures et nombreux bus. Yadruf الظروف كلها تجعل الإنسان يعيش على أعصابه. Toutes les conditions sont réunies telle sorte que chacun vit sur ses nerfs. وعدوك ببيت قريب من الحرم. Ils t'ont promis une maison proche, à proximité de la mosquée. كلمه قريب, كلمه واسعه. Le mot proche ou à proximité est un mot vaste. Kalima ghayr muhaddada est un mot imprécis. Lam yaqulu lak kilomètre. Mumkin tahsbou w tchouf wach kdbou wala qalou sah. Ma qalouch lak jout kilomètre. Ils n'ont pas dit un kilomètre afin qu'on puisse vérifier. Ils n'ont pas dit deux kilomètres ila akhiri. Wa tuhiss an al bayt ba'id. Et tu ressens, Satan vient, il te dit non, c'est loin mon frère. Ils t'ont dit c'est proche et c'est loin, regarde. الشيطان يجي يقول لك شوف كذبوا عليك قال لك قريب شوف شحال بعيد تتكلم مع المسؤول tu parles avec le responsable du voyage يقول لك لا يا اخي البيت قريب tu parles avec le responsable tu protestes il te dit non mon frère regarde la maison est proche انظر من يسكن ابعد منك اذا فانت قريب regarde les gens qui habitent loin plus loin que toi donc par rapport à eux tu es proche فتغضب اكثر et tu t'emportes plus وعدوك ببيت مريح. Ils t'ont promis une maison ou une chambre confortable. مريح. كلمه واسعه. Confort ou confortable, c'est un mot vaste qui n'est pas précis. فلما ترى البيت تحس بانهم كذبوا عليك غير مريح بالنسبه لك. Lorsque tu vois la chambre, tu ressens qu'ils t'ont menti. Il n'y a pas le confort que tu voulais. ولكنه بالنسبه للمسؤول عن السفر بيت مريح. Mais pour le responsable du voyage, la chambre est confortable. أكثر الجدال والخصومة تكون بين الحاج والمسؤول عن السفر. La majorité ou une bonne partie des disputes a lieu entre le pèlerin et le responsable du voyage. لا فسوق ولا جدال في الحاج. Point de d'immoralité, point de dispute dans le pèlerinage. المثال الثالث والأخير والأمثلة كثيرة. Le troisième et dernier exemple, et les exemples sont nombreux. في مينن, à مينن, la station de مينن, المبيت تحت الخيام فوق الحصير. Tu passes mon frère ou ma soeur la nuit en dessous de la tente et au-dessus de la natte de paille. خيمتك بعيدة عن الجمرات مكان الرجم. Ta tente est très loin par rapport au lieu de la lapidation. 3 ou 4 kilomètres ou أكثر. 3, 4 ou plus de kilomètres. 3, 4 kilomètres ou même 5 kilomètres. Et tu dois marcher à pied pour la lapidation et le retour. نوع واحد من الطعام الرز إذا وجدت. Une seule sorte à مينن d'alimentation, le riz, et dans le cas où tu le trouves, d'autres vont le prendre avant toi. Fil fajr, à l'aube, turid al-dahab lil-marhad, tu veux aller aux toilettes. Tajid khamsin ou akhtar amamak, tu trouves 50 personnes ou 60 avant toi qui font la file. Wa anta la tastati'u sabr, et tu es pressé, tu ne peux pas attendre. Wa ya'ti wahid wa yamur amamak, mada taf'al, et quelqu'un vient et prend la place avant toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te défendre ? Tu jadil ? Vas-tu polémiquer ? Te disputer ? Ou t'escoute ? Ou bien tu vas garder le silence ? Tu ridou l'jenne ou scoute ? Tu cherches le paradis ? Tais-toi ! T'habites au fiyom at-tarwiya ? Tamaniya dhul hijja ? La nuit du. Ou le jour. C'est le huitième jour du pèlerinage, le jour de tarwiya. Yom t'maniya fli ? T'habites fi minan ? Le huitième jour, tu vas passer la nuit, tu vas quitter la Mecque et tu vas passer la nuit à Minan, dans le désert, les tentes du désert. Fi dhuruf sa'ba, dans des conditions difficiles. Fi sabah, tu hiss annaka lam tanam. le lendemain, le matin, tu ressens que tu n'as pas dormi. Anta ta'ban, tu es fatigué, walakinaka fi yawmi Arafah, mais tu es dans le jour sacré qui s'appelle Arafah, et tu es épuisé parce que tu n'as pas bien dormi. Aham yawm fil hajj, le jour le plus important du pèlerinage, tadhhab li Arafah, tu vas quitter Mina le 9e jour, tu vas vers Arafah, du'a min ad-dhuhr ila al-maghrib, des invocations du dhuhr, de midi jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à le maghrib, walakinaka ta'ban, mais tu es fatigué. Hunaka man yanam min shiddat ta'ab wa yatruk ad-du'a wa yatruk al-buka, j'ai vu des gens dormir parce qu'ils sont épuisés, au lieu d'invoquer, au lieu de pleurer, ils étaient endormis. Fil layl tabitu fi muzdalifa, le jour même, le soir, tu vas passer la nuit dans un autre désert où il n'y a pas d'habitation, qui s'appelle la station qui s'appelle Muzdalifa. Fi janib at-tariq, tu vas dormir juste à côté de la route. Le bus s'arrête et te dit tu dors là, ala al-ard, sur le sol. Wa faqat ila salat al-fajr, et tu dois dormir uniquement jusqu'à la prière de l'aube, pas jusqu'à 10h ou 9h une grasse matinée, non, jusqu'à l'aube. Bid' sa'at, quelques heures. Wa fil haqiqa la tanam, mais en réalité, mon frère ou ma sœur, tu vas pas dormir. Le manque de confort, katrat as-sudah, beaucoup de bruit, aswat ash-shahinat, shahinat naql la tatawaqqaf, les bruits des moteurs et des klaxons des bus ne s'arrêtent pas toute la nuit. Thani layla lam tanam jayidan, la deuxième nuit où tu n'es pas, où tu n'as pas bien dormi, tab shadi, tu es maintenant vraiment épuisé. Wa anta al-an fi yawmin muhim jiddan, yawm al-eid, et tu es aujourd'hui dans un jour très très important, c'est la journée de la fête. Yantadiru kathir min al-manasik, beaucoup de rites t'attendent dans ce jour, tu es épuisé, tu es sur tes nerfs. Yantadiru ar-rajm wasat az-zihan, il t'attend, la lapidation t'attend au milieu de la foule et de la bousculade. Khatar al-maut, il y a là le danger de mort. At-tawaf wasat az-zihan, dans la même journée, tu dois te déplacer vers la Mecque pour accomplir les 7 rotations autour de la Kaaba au milieu d'une grande foule inimaginable, ila akhire, etc. Kul hadha yaj'aluk ta'ish ala a'sabik, toutes ces choses te poussent à vivre sur les nerfs. Mais les 2 millions sont dans la même situation que toi. Chacun vit sur ses nerfs. Aqal kalima, le moindre mot. Aqal haraka, le moindre mouvement. Et il y a l'explosion entre 2 musulmans. Bima'na tudayya al-hajj al-mabrour, ça veut dire tu vas perdre, tu vas rater le pèlerinage agréé. Bima'na mumkin an tudayya fursat ad-dukhul lil-jannah, ceci tout simplement signifie tu peux rater l'occasion d'entrer dans le paradis. Wa anta huna qarib min al-jannah, et là-bas tu étais très très très proche du paradis. Ma'a al-ilm an al-hajj yakun marra fil hayat, en sachant que le pèlerinage a lieu une fois par vie, ou marratain, ou 2 fois, yani force nadira qalila, ça veut dire une occasion rare comme une perle. Hada al kalam aquluhu liman nawa al hajj, ces paroles je les dis à celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage, hatta yasta'id nafsiyan qabla as-safar, afin qu'il se prépare psychologiquement avant le voyage, wa yatawaqqa' aswa' al-ihtimalat hunak, afin qu'il s'attend au pire des cas là-bas. Hakadha sayasbir hunak, ainsi il va supporter avec beaucoup de patience là-bas ce qui va arriver. Wa rubbama yajidu al-hajj sahlan بالنسبه لتخوفاته, et peut-être il va trouver que le pèlerinage est passé très facilement par rapport à toutes ses craintes. Amma law dhahaba min ghayr isti'dad nafsi, mais dans le cas où le pèlerin se dirige vers là-bas sans aucune préparation psychologique, dhannan annahu fi safar siyahi, en pensant qu'il est dans un voyage touristique, fa sayusdam sadma qawiya, il va subir un choc violent. فتكون له ردات فعل ربما تبطل حجة, et il va faire des réactions face au choc, des réactions qui peuvent tout simplement annuler son pèlerinage. قال احد الغربيين لما اسلم, ou احد الغربيين المسلمين, l'un des occidentaux musulmans a dit, لما ذهب هناك, lorsqu'il est parti là-bas, الحمد لله, الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. Louange à Dieu qui m'a fait connaître l'islam avant que je connaisse les musulmans. أخي أختي frère sœur, تريد الحج المبرور؟ Cherches-tu le pèlerinage agréé؟ هناك انسى نفسك. Là-bas, oublie mon frère ou ma sœur ta propre personne. Oublie ton ego. لا تجب بكلمة على كل الاعتداءات القولية أو الجسدية. Ne réponds par aucun geste, ne réponds par aucun mot à toute agression à ton égard, agression verbale ou physique. كن مسالما. Sois un musulman pacifique. ولك الجنة. Et tu auras le paradis. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Et à la fin, je vous recommande à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci adorateur de Dieu, الخطبة الثانية أتوجه فيها لغير الحجاج. Dans ce deuxième discours, je m'adresse aux non-pèlerins qui vont rester ici. L'istiadad al-nafsi, afin de faire une préparation psychologique, l'istiqbal ashr dil-hijj al-awa'il, afin d'accueillir ou de réserver un bon accueil aux 10 premiers jours de ce mois sacré à venir, les jours de dul-hijj. هذه العشر تبدأ يوم الأحد القادم غدا السبت من بعد الأحد باحتمال ضعيف حسب الحساب العلمي. Ces 10 jours vont commencer juste après demain, dimanche, avec une petite probabilité scientifique, ou bien ces 10 jours vont commencer lundi. Quelqu'un peut se demander quel est l'intérêt ou la vertu de ces 10 jours. La réponse, Dieu a juré par ces 10 jours dans le chapitre Al-Fajr, l'aube, ou Al-Fajri, ou Al-Layalin Ashr. Par l'aube et par des nuits au nombre de 10. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète prière et lui a dit à propos de ces 10 jours, ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. Il n'y a pas des jours où l'œuvre vertueuse est plus aimée à Dieu que pendant ces jours-là. Ça veut dire les 10 de l'Hijja, le mois qui va arriver. Rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam al-Tirmidhi. Wa fi riwaya lil-Bazzar, dans une autre version de l'imam al-Bazzar, afdalu ayyam ad-dunya al-ashr, les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 jours, ça veut dire du mois à venir. Wa fi riwaya lit-Tabarani, dans une version de l'imam al-Tabarani, fa aktiru fihinna min at-tasbih, faites pendant ces jours beaucoup de proclamations de gloire à Dieu, subhanallah, wa tahmid, et de proclamations de louange à Dieu, alhamdulillah, wa tahlil, et le fait de dire la ilaha illallah, wa takbir, et le fait de dire Dieu est grand. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam an siyam arafa, il a dit prière essentielle à propos du jeûne du mois de Arafa, al-yawm at-tasi', le 9e du mois à venir, yukaffiru as-sana al-madiya wal-baqiya, il efface les péchés d'une année passée et d'une année restante. Rawahu Muslim, rapporté par l'imam Muslim et d'autres, ma'na yukaffir as-sana al-haliya dhunub as-sana al-haliya wa as-sana al-qadima. Ça veut dire il efface les péchés de cette année et de l'année à venir. Wa amma laylat al-Eid, à propos de la nuit qui précède la veille, c'est-à-dire la veille de la fête, qala sallallahu alayhi wa sallam man ahya laylat al-Fitr wa laylat al-Adha lam yamut qalbuhu yawma tamut al-qulub, celui qui veille la nuit de la rupture, ça veut dire la fête du Ramadan ou la nuit du sacrifice, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs vont mourir. Rawahu at-Tabarani, rapporté par l'imam at-Tabarani. Wa amma 'an al-udhiya, en ce qui concerne le sacrifice, le mouton à égorger, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة. Il a dit avec chaque poil de la bête il y a une bonne action auprès de Dieu. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم, rapporté par الترمذي et par d'autres. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, من لا يستطيع أن يضحي بفرنسا, celui qui est dans l'incapacité de sacrifier en France les sebab min al asbab pour une raison parmi d'autres, فبإمكانه إرسال ثمن الأضحية إلى بلد آخر, il lui est permis en islam d'envoyer le prix du sacrifice à un autre pays musulman, لعائلة فقيرة, pour une famille pauvre, تضحي بفضله نيابة عنه, qui grâce à lui va sacrifier par procuration à sa place, فيأخذ الأجر مرتين, et il aura le salaire double. إن لم يكن يعرف عائلة في البلد أو في البلاد الإسلامية, dans le cas où il ne connaît pas une famille dans les pays musulmans, une famille pauvre, فليعطي لمنظمات التضامن, qu'il donne l'argent aux organisations de solidarité musulmane, quelle réirat al-islamia, comme le Secours islamique, ou al-jam'iyya al-khayriya li-munasarat Palestine, ou pour la CBSP, pour la Palestine. Min bayti abra hasoubi, il va faire cette action de chez lui, à travers son ordinateur, biwasitat bitaqatihi al-bankiya, grâce à sa carte bancaire, بكل سهولة, avec beaucoup de facilité, quelques clics, et tu as sacrifié. Ça y est, alhamdulillah. هناك بلدان إسلامية الكبش لا يفوق 50 euros. Il y a des pays musulmans où le prix du sacrifice ne dépasse pas 50 euros. وفقنا الله للخير, que Dieu nous aide à faire le maximum de bien. وتقبل الله منا أعمال الخير, et que Dieu agrée les actions de bien de notre part. Wa fil akhir, et à la fin, innana fil jum'ati al-ula min shahr novembre, on est dans le premier vendredi du mois de novembre, maw'id jam'a at-tabarru'at li masjid Ivry, le rendez-vous des collectes de vos dons pour la mosquée de d'Ivry. Nahnu al-an fil jum'a al-akhira min shahr dhul-hijja, et en même temps on est dans le dernier vendredi du mois de dhul-qa'da, shahr dhul-qa'da, shahr min al-ashhur al-hurum, un mois parmi les mois sacrés. إننا في أوقات مباركة, on est actuellement dans des moments bénis, فلا تحرموا أنفسكم من أجر هذه الأوقات المباركة, donc ne vous faites pas priver de ces moments, du salaire de ces moments bénis. وأعطوا لمسجدكم بسخاء, et donnez avec générosité à votre mosquée. أذكر بأن في المرة الماضية, je rappelle que la dernière fois جمع المسجد حوالي 3700 أورو. La dernière fois, les frères ont collecté à peu près 3700 euros. Une seule personne, la dernière fois, a donné 1300 euros à la mosquée. Pas à la mosquée, pas aux dirigeants, aux responsables de la mosquée. Il a donné la somme à Dieu, ça veut dire pour lui. Il a dit, moi, je donne cette valeur à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah أن يكتب له الحج في هذه السنة. On demande à Dieu qu'il lui inscrive le salaire d'un pèlerinage en contrepartie de ces 1300 euros qu'il a donné. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أهل الجود وأهل الكرم في هذه الأيام المباركة. اللهم إني داع فأمن, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم العظيم, في هذا الشهر العظيم, في هذا المكان العظيم, يا رب احفظ لنا حجاجنا في هذه السنة. يا رب احفظهم بحفظك وبعنايتك. يا رب علمهم مناسك الحج. يا رب تقبل منهم حجهم وردهم إلينا سالمين غانمين. يا رب اجعلهم سفراءنا عندك. يا رب تقبل دعاءهم لهم ولنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب من بقي ولم يذهب للحج, يا رب لا تحرمنا من الأجر العظيم.